Chapitre 6 Croix et misère. Il est bien vrai que Stache Boutroux s'allait marier, dans peu, avec la fille du drapier Chaustier. C'était un garçon sage, bien entendu dans le commerce, et qui n'employait point ses loisirs à jouer à la boule ou à la paume, comme bien d'autres, mais à faire des comptes, à lire le bocage des 6 corporations, et à apprendre un peu d'espagnol, qu'il était bon qu'un marchand sût parler, comme aujourd'hui l'anglais, à cause de la quantité de personnes de cette nation qui habitaient dans Paris. Maître Goubard, s'étant donc en 6 années convaincu de la parfaite honnêteté et du caractère excellent de son commis, ayant de plus surpris entre sa fille et lui quelques penchants bien vertueux et bien sévèrement comprimés des 2 parts, avait résolu de les unir à la Saint-Jean d'été et de se retirer ensuite à Laon, en Picardie, où il avait du bien de famille. Eustache ne possédait cependant aucune fortune. Mais l'usage n'était point alors général de marier un sac d'écus avec un sac d'écus. Les parents consultaient quelquefois le goût et la sympathie des futurs époux et se donnaient la peine d'étudier longtemps le caractère, la conduite et la capacité des personnes qu'ils destinaient à leur alliance, bien différent des pères de famille d'aujourd'hui qui exigent plus de garantie morale d'un domestique qu'ils prennent que d'un gendre futur. Or, la prédiction du jongleur avait tellement condensé les idées assez peu fluides de l'apprenti drapier qu'il était demeuré tout étourdi au centre de la demi-lune et n'entendait point les voix argentines qui babillaient dans les campaniles de la Samaritaine et répétaient « Midi, midi !» Mais à Paris, midi sonne pendant 1 heure et l'horloge du Louvre prit bientôt la parole avec plus de solennité, puis celle des grands Augustins, puis celle du Châtelet. Si bien que Stache, effrayé de se voir si fort en retard, se prit à courir de toutes ses forces et en quelques minutes eut mis derrière lui les rues de la Monnaie, du Borel et Tirechappe. Alors il ralentit son pas et quand il eut tourné la rue de la Boucherie de Beauvais, son front s'éclaircit en découvrant les parapluies rouges du carreau des Halles, les tréteaux des Enfants sans souci, l'échelle et la croix et la jolie lanterne du pilori coiffée de son toit en plomb. C'était sur cette place, sous un de ses parapluies, que sa future, Javotte Goubard, attendait son retour. La plupart des marchands aux piliers avaient ainsi un étalage sur le carreau des Halles, gardé par une personne de leur maison et servant de succursale à leur boutique obscure. Javotte prenait place tous les matins à celui de son père, et tantôt, assise au milieu des marchandises, elle travaillait à des nœuds d'aiguillettes. Tantôt elle se levait pour appeler les passants, les saisissait étroitement par le bras et ne les lâchait guère qu'ils n'eussent fait quelque achat, ce qui ne l'empêchait pas d'être, au demeurant, la plus timide jeune fille qui jamais eût atteint l'âge d'un vieil bœuf sans être encore mariée. Toute pleine de grâce, mignonne, blonde, grande et légèrement ployée en avant, comme la plupart des filles du commerce dont la taille était lancée et frêle, enfin, rougissant comme une fraise, aux moindres paroles qu'elle disait hors du service de l'étalage, tandis que sur ce point, elle ne le cédait à aucune marchande du carreau pour le bagou et la platine, style commercial d'alors. À midi, Eustache venait d'ordinaire la remplacer sous le parapluie rouge pendant qu'elle allait dîner à la boutique avec son père. C'était à ce devoir qu'il se rendait en ce moment, craignant fort que son retour n'eût impatienté Javotte. Mais d'aussi loin qu'il l'aperçut, elle lui parut très calme, le coude appuyé sur un rouleau de marchandises, et fort attentive à la conversation animée et bruyante d'un beau militaire penché sur le même rouleau et qui n'avait pas plus l'air d'un chaland que de toute chose que l'on pût s'imaginer. « C'est mon futur, » dit Javotte en souriant à l'inconnu, qui fit un léger mouvement de tête sans changer de situation. Seulement, il toisait le commis de bas en haut avec ce dédain que les militaires témoignent pour les personnes de l'état bourgeois dont l'extérieur est peu imposant. « Il a un faux air d'un trompette de chez nous, » observa-t-il gravement. « Seulement l'autre a plus de corporance dans les jambes. Mais tu sais, Javotte, le trompette dans un escadron, c'est un peu moins qu'un cheval et un peu plus qu'un chien. « Voici mon neveu, » dit Javotte à Eustache, en ouvrant sur lui ses grands yeux bleus avec un sourire de parfaite satisfaction. Il a obtenu un congé pour venir à notre noce. Comme cela se trouve bien, n'est-ce pas? Il est arquebusier, à cheval. Oh, le beau corps! Si vous étiez vêtu comme cela, Eustache! Mais vous n'êtes pas assez grand, vous, ni assez fort. « Et combien de temps, dit timidement le jeune homme, monsieur nous fera-t-il cet avantage de demeurer à Paris ?»« Cela dépend, dit le militaire en se redressant, après avoir fait attendre un peu sa réponse. « On nous a envoyés dans le Berry pour exterminer les croquants. Et s'ils veulent rester tranquilles quelque temps encore, je vous donnerai un bon mois. Mais de toute façon, à la Saint-Martin, nous viendrons à Paris remplacer le régiment de monsieur Dumière, et alors je pourrai vous voir tous les jours et indéfiniment. » Eustache examinait l'arquebusier à cheval tant qu'il pouvait le faire sans rencontrer ses regards. Et décidément, il le trouvait hors de toutes les proportions physiques qui conviennent à un neveu. « Quand je dis tous les jours, reprit ce dernier, je me trompe, car il y a le jeudi la grande parade. Mais nous aurons la soirée, et de fait, je pourrai toujours souper avec vous ces jours-là. »« Est-ce qu'il compte y dîner les autres ?» pensa Eustache. « Mais vous ne m'aviez point dit, demoiselle Goubard, que monsieur votre neveu était si... »« Si bel homme ? Oh oui, comme il a renforcé. Dame, c'est que voilà 7 ans que nous ne l'avions vu, ce pauvre Joseph, et depuis ce temps-là, il a passé bien de l'eau sous le pont. »« Et à lui, bien du vin sous le nez, » pensa le commis, ébloui de la face resplendissante de son neveu futur. On ne se met pas la figure en couleur avec de l'eau rougie, et les bouteilles de maître Goubard vont danser le branle des morts avant la noce, et peut-être après. « Allons dîner, papa doit s'impatienter, » dit Javotte en sortant de sa place. « Ah, je vais donc te donner le bras, Joseph. Dire qu'autrefois j'étais la plus grande, quand j'avais 12 ans, et toi 10. On m'appelait la maman. Mais comme je vais être fière au bras d'un arquebusier. Tu me conduiras promener, n'est-ce pas ? Je sors si peu, je ne puis pas y aller seule. Et le dimanche soir, il faut que j'assiste au salut, parce que je suis de la confrérie de la Vierge, Saint Innocent. Je tiens un ruban de guidon. » Ce captage de jeune fille coupé à temps égaux par le pas sonnant du cavalier, cette forme gracieuse et légère qui sautillait, enlacée à cette autre massive et roide, se perdirent bientôt dans l'ombre sourde des piliers qui bordent la rue de la Tonnellerie, et ne laissèrent aux yeux d'Eustache qu'un brouillard et à ses oreilles qu'un bourdonnement. Chapitre 7. Misères et croix. Nous avons jusqu'ici emboîté le pas à cette action bourgeoise, sans guère mettre à la compter plus de temps qu'elle n'en a mis à se poursuivre. Et maintenant, malgré notre respect, ou plutôt notre profonde estime pour l'observation des unités dans le roman même, nous nous voyons contraints de faire à l'une des trois un saut de quelques journées. Les tribulations d'Eustache, relativement à son neveu futur, seraient peut-être assez curieuses à rapporter. Mais elles furent cependant moins amères qu'on ne le pourrait juger d'après l'exposition. Eustache se fut bientôt rassuré à l'endroit de sa fiancée. Javotte n'avait fait véritablement que garder une impression un peu trop fraîche de ses souvenirs d'enfance qui, dans une vie si peu accidentée que la sienne, prenait une importance démesurée. Elle n'avait vu tout d'abord, dans l'arquebusier à cheval, que l'enfant joyeux et bruyant, autrefois le compagnon de ses jeux. Mais elle ne tarda pas à s'apercevoir que cet enfant avait grandi, qu'il avait pris d'autres allures, et elle devint plus réservée à son égard. Quant au militaire, à part quelques familiarités d'habitude, il ne faisait point paraître envers sa jeune tante de blâmables intentions. Il était même de ces gens, assez nombreux, à qui les honnêtes femmes inspirent peu de désir, et pour le présent, il disait, comme Tabarin, que la bouteille était sa mie. Les 3 premiers jours de son arrivée, il n'avait pas quitté Javotte, et même il la conduisait le soir au cours La Reine, accompagné seulement de la grosse servante de la maison, au grand déplaisir d'Eustache. Mais cela ne dura point. Il ne tarda pas à s'ennuyer de sa compagnie, et prit l'habitude de sortir seul tout le jour, ayant, il est vrai, l'intention de rentrer aux heures des repas. La seule chose donc qui inquiéta le futur époux, c'était de voir ce parent si bien établi dans la maison qui allait devenir sienne après la noce. Il ne paraissait pas facile de l'en évincer avec douceur, tant il semblait tous les jours s'y emboîter plus solidement. Pourtant, il n'était neveu de Javotte que par alliance, étant né seulement d'une fille que feu l'épouse de maître Goubard avait eue d'un premier mariage. Mais comment lui faire comprendre qu'il tendait à s'exagérer l'importance des liens de famille, et qu'il avait, à l'égard des droits et des privilèges de la parenté, des idées trop larges, trop arrêtées, et en quelque sorte trop patriarcales ? Cependant, il était probable que bientôt il sentirait de lui-même son indiscrétion, et Eustache se vit obligé de prendre patience, ainsi que les dames de Fontainebleau quand la cour est à Paris, comme dit le proverbe. Mais la noce faite et parfaite ne changea rien aux habitudes de l'arquebusier à cheval, qui même fit espérer qu'il pourrait obtenir, grâce à la tranquillité des croquants, de rester à Paris jusqu'à l'arrivée de son corps. Eustache tenta quelques allusions épigrammatiques, que certaines gens prenaient des boutiques pour des hôtelleries, et bien d'autres, qui ne furent point saisies ou qui parurent faibles. Du reste, il n'osait encore en parler ouvertement à sa femme et à son beau-père, ne voulant pas se donner, dès les premiers jours de son mariage, une couleur d'homme intéressé, lui qui leur devait tout. Avec cela, la compagnie du soldat n'avait rien de bien divertissant. Sa bouche n'était que la cloche perpétuelle de sa gloire, laquelle était fondée moitié sur ses triomphes dans les combats singuliers qui le rendaient la terreur de l'armée, moitié sur ses prouesses contre les croquants, malheureux paysans français à qui les soldats du roi Henri faisaient la guerre pour n'avoir pu payer la taille et qui ne paraissaient pas prêts de jouir de la célèbre poule au pot. Ce caractère de vanterie excessive était alors assez commun, ainsi qu'on le voit par les types des taille-bras et des capitans matamores, reproduits sans cesse dans les pièces comiques de l'époque, et doit, je pense, être attribué à l'irruption victorieuse de la Gascogne dans Paris à la suite du Navarrois. Ce travers s'affaiblit bientôt en s'élargissant, et, quelques années après, le baron de Fénest en fut le portrait déjà bien adouci, mais d'un comique plus parfait, et enfin la comédie du menteur le montra, en 1662, réduit à des proportions presque communes. Mais ce qui, dans les façons du militaire, choquait le plus le bon Eustache, c'était une tendance perpétuelle à le traiter en petit garçon, à mettre en lumière les côtés peu favorables de sa physionomie, et enfin à lui donner en toute occasion vis-à-vis de Javotte une couleur ridicule fort désavantageuse dans ces premiers jours où un nouveau marié a besoin de s'établir sur un pied respectable et de prendre position pour l'avenir. Ajoutez aussi qu'il fallait peu de choses pour froisser l'amour-propre tout neuf et tout roide d'un homme établi en boutique, patenté et assermenté. Une dernière tribulation ne tarda pas à combler la mesure. Comme Eustache allait faire partie du guet des métiers, et qu'il ne voulait pas, comme l'honnête maître Goubard, faire son service en habit bourgeois et avec une hallebarde prêtée par le quartier, il avait acheté une épée à coquille qui n'avait plus de coquille, une salade et un aubergeon en cuivre rouge qui menaçait déjà le marteau d'un chaudronnier, et ayant passé 3 jours à les nettoyer et à les fourbir, il parvint à leur donner un certain lustre qu'il n'avait pas avant. Mais quand il s'en revêtit et qu'il se promena fièrement dans sa boutique en demandant s'il avait bonne grâce à porter le harnois, l'arquebusier se prit à rire comme un tas de mouches au soleil et l'assura qu'il avait l'air d'avoir sur lui sa batterie de cuisine. Chapitre 8. La chiquenaude. Tout étant disposé de la sorte, il arriva qu'un soir, c'était le 12 ou le 13, un jeudi toujours, Eustache ferma sa boutique de bonne heure. Chose qui ne se fut pas permise sans l'absence de maître Goubard, qui était parti l'avant-veille pour voir son bien en Picardie, parce qu'il comptait y aller demeurer 3 mois plus tard, quand son successeur serait solidement établi en son lieu et posséderait pleinement la confiance des pratiques et des autres marchands. Or, l'arquebusier, revenant ce soir-là, comme de coutume, trouva la porte close et les lumières éteintes. Cela l'étonna beaucoup, la guette n'étant pas sonnée au Châtelet. Et comme il ne rentrait point d'ordinaire sans être un peu animé par le vin, sa contrariété se traduisit par un gros jurement qui fit tressaillir Eustache dans son entresol où il n'était pas couché encore, s'effrayant déjà de l'audace de sa résolution. « Holà, hé !» cria l'autre en donnant un coup de pied dans la porte. « C'est donc ce soir fête, c'est donc la Saint-Michel, la fête des drapiers, des tire-laines et des vides-goussets. » Il tambourinait du poing sur la devanture, mais cela ne produisit pas plus d'effet que s'il eût pilé de l'eau dans un mortier. « Ohé, mon oncle et ma tante, voulez-vous donc me faire coucher en plein vent, sur le grès, au risque d'être gâté par les chiens et les autres bêtes ? Holà, hé, diantre soit des parents, ils en sont corbleu capables. Et la nature donc, Manant ? Oh, oh, descends vitement, bourgeois, c'est de l'argent qu'on t'apporte. Le cancre te vienne, vilain maroufle. » Toute cette harangue du pauvre neveu n'émouvait aucunement le visage de bois de la porte. Il usait à rien ses paroles comme le vénérable bède prêchant à un tas de pierres. Mais quand les portes sont sourdes, les fenêtres ne sont pas aveugles, et il y a un moyen fort simple de leur éclaircir le regard. Le soldat se fit tout d'un coup ce raisonnement. Il sortit de la galerie sombre des piliers, se recula jusqu'au milieu de la rue de la Tonnellerie, et ramassant à ses pieds un tesson, l'adressa si bien qu'il éborgna l'une des petites fenêtres de l'entresol. C'est un incident à quoi Eustache n'avait nullement songé, un point d'interrogation formidable à cette question où se résumait tout le monologue du militaire « Pourquoi donc n'ouvre-t-on pas la porte ?» Eustache prit subitement une résolution, car un couard qui s'est monté la tête ressemble à un vilain qui se met en dépense et pousse toujours les choses à l'extrême. Mais de plus, il avait à cœur de se bien montrer une fois devant sa nouvelle épousée qui pouvait avoir pris pour lui peu de respect en le voyant depuis plusieurs jours servir de quintaine aux militaires, avec cette différence que la quintaine rend quelquefois de bons coups pour ceux qu'on lui porte continuellement. Il tira donc son feutre de travers et eut dégringolé l'escalier étroit de son entresol avant que Javotte songeât à l'arrêter. Il décrocha sa rapière en passant dans l'arrière-boutique, et seulement quand il sentit dans sa main brûlante le froid de la poignée en cuivre, il s'arrêta un instant et ne chemina plus qu'avec des pieds de plomb vers sa porte dont il tenait la clé de l'autre main. Mais une seconde vitre qui se cassa avec grand bruit et les pas de sa femme qu'il entendit derrière les siens lui rendirent toute son énergie. Il ouvrit précipitamment la porte massive et se planta sur le seuil avec son épée nue comme l'archange à lui du paradis terrien. « Que veut donc ce coureur de nuit, ce méchant ivrogne à un sou le pot, ce casseur de plats fêlés » cria-t-il d'un ton qui eût été tremblant pour peu qu'il l'eût pris de note plus bas. « Est-ce de la façon qu'on se comporte avec les gens honnêtes ? Ça, tournez-vous les talons sans retard, et vous en allez dormir, sous les charniers, avec vos pareils, où j'appelle mes voisins et les gens du guet pour vous prendre. Oh, oh, voilà comme tu chantes à présent, croque-cigru ! On t'a donc sifflé ce soir avec une trompette ? Oh, bien, c'est différent. J'aime à te voir parler tragiquement comme tranche-montagne, et les gens de cœur sont mes mignons. Viens ça que je t'accole, pricochole. Va-t'en, ribleur ! Entends-tu les voisins s'éveiller au bruit et qui vont te conduire au premier corps de garde comme un affronteur et un larron ? Va-t'en donc sans plus d'esclandre et ne reviens point. » Mais, au contraire, le soldat s'avançait entre les piliers, ce qui émoussa un peu la fin de la réplique d'Eustache. « C'est bien parlé, » dit-il à ce dernier. « La vie est honnête et mérite qu'on le paye. » Le temps de compter deux, il était tout prêt et avait lâché sur le nez du jeune marchand drapier une chiquenaude à le lui rendre cramoisi. « Garde tout, si tu n'as pas de monnaie, » s'écria-t-il, « et sans adieu, mon oncle. » Eustache ne put endurer patiemment cet affront, plus humiliant encore qu'un soufflet, devant sa nouvelle épousée, et nonobstant les efforts qu'elle faisait pour le retenir, il s'élança vers son adversaire qui s'en allait et lui porta un coup de taillant qui eût fait honneur au bras du preux Roger, si l'épée eût été une balisarde. Mais elle ne coupait plus depuis les guerres de religion et n'entama point le buffle du soldat. Celui-ci lui saisit aussitôt les deux mains dans les siennes, de telle sorte que l'épée tomba d'abord et qu'ensuite le patient se mit à crier si haut qu'il ne le pouvait davantage, allongeant de furieux coups de pied sur les bottes molles de son tourmenteur. Heureusement que Javotte s'interposa, car les voisins regardaient bien la lutte par leurs fenêtres, mais ne songeaient guère à descendre pour y mettre fin. Et Eustache, tirant ses doigts bleuâtres de l'étau naturel qui les avait serrés, eut à les frotter longtemps pour leur faire perdre la figure carrée qu'ils y avaient prise. « Je ne te crains pas, » s'écria-t-il, « et nous nous reverrons. Trouve-toi, si tu as seulement le cœur d'un chien, trouve-toi demain matin au Pré-au-Clair, à 6 heures, Bélitre, et nous nous battrons à mort. Coupe-Jarret. L'endroit est bien choisi, mon championnet, et nous ferons en gentilshommes. À demain donc. Par Saint-Georges, la nuit te paraîtra courte. » Le militaire prononça ces mots avec un ton de considération qu'il n'avait pas montré jusque-là. Eustache se retourna fièrement vers sa femme, son cartel l'avait grandi de 6 empans, il ramassa son épée et poussa sa porte à grand bruit. Chapitre 9. Le château Gaillard. Le jeune marchand drapier, se réveillant, se trouva tout dégrisé de son courage de la veille. Il ne fit point difficulté de s'avouer qu'il avait été très ridicule en proposant un duel à l'arquebusier, lui qui ne savait manier d'autre arme que la demi-aune dont il s'était escrimé souvent du temps de son apprentissage avec ses compagnons dans le clos des Chartreux. Partant, il ne tarda guère à prendre la ferme résolution de rester chez lui et de laisser son adversaire promener son bé jaune dans le pré au clair en se balançant sur ses pieds comme un oison bridé. Quand l'heure fut passée, il se leva, ouvrit sa boutique et ne parla point à sa femme de la scène de la veille, comme elle évita de son côté d'y faire la moindre allusion. Ils déjeunèrent silencieusement, après quoi Javotte alla, comme à l'ordinaire, s'établir sous le parapluie rouge, laissant son mari occupé avec sa servante à visiter une pièce de drap et à en marquer les défauts. Il faut bien dire qu'il tournait souvent les yeux vers la porte et tremblait à chaque instant que son redoutable parent ne vînt lui reprocher sa couardise et son manque de parole. Or, vers 8h30, il aperçut de loin l'uniforme de l'arquebusier poindre sous la galerie des piliers, encore baigné d'ombre, comme un reître de Rembrandt, qui lui, par trois paillettes, celle du Morion, celle du Aubert et celle du Nez. Funeste apparition qui s'agrandissait et s'éclaircissait rapidement, et dont le pas métallique semblait battre chaque minute de la dernière heure du drapier. Mais le même uniforme ne recouvrait point le même moule, et pour parler plus simplement, c'était un militaire compagnon de l'autre, qui s'arrêta devant la boutique de Stache, remis à grand-peine de sa frayeur, et lui adressa la parole d'un ton très calme et très civil. Il lui fit connaître d'abord que son adversaire, l'ayant attendu pendant 2 heures au lieu du rendez-vous sans le voir arriver, et jugeant qu'un accident imprévu l'avait empêché de s'y rendre, retournerait le lendemain à la même heure au même endroit, y demeurerait le même espace de temps, et que, si c'était sans plus de succès, il se transporterait ensuite à sa boutique, lui couperait les 2 oreilles et lui mettrait dans sa poche, comme avait fait en 1605 le célèbre Brusquet à un écuyer du duc de Chevreuse pour le même sujet. Action qui obtint l'applaudissement de la cour et fut généralement trouvée de bon goût. Eustache répondit à cela que son adversaire faisait tort à son courage par une menace pareille, et qu'il aurait à lui rendre raison doublement. Il ajouta que l'obstacle ne venait point d'une autre cause que de ce qu'il n'avait pu trouver encore quelqu'un pour lui servir de second. L'autre parut satisfait de cette explication et voulut bien instruire le marchand qu'il trouverait d'excellents seconds sur le pont neuf, devant la Samaritaine, où il se promenait d'ordinaire, gens qui n'avaient point d'autre profession et qui, pour un écu, se chargeaient d'embrasser la querelle de qui que ce fût et même d'apporter des épées. Après ces observations, il fit un salut profond et se retira. Eustache, resté seul, se mit à songer et demeura longtemps dans cet état de perplexité. Son esprit fourchait à 3 résolutions principales. Tantôt, il voulait donner avis au lieutenant civil de l'importunité du militaire et de ses menaces, et lui demander l'autorisation de porter des armes pour sa défense. Mais cela aboutissait toujours à un combat. Ou bien il se décidait à se rendre sur le terrain en avertissant les sergents de façon qu'ils arrivassent au moment même où le duel commencerait. Mais il pouvait arriver quand il serait fini. Enfin, il songeait aussi à s'en aller consulter le bohémien du Pont-Neuf, et c'est à cela qu'il se résolut en dernier lieu. À midi, la servante remplaça sous le parapluie rouge Javotte, qui vint dîner avec son mari. Celui-ci ne lui parla point pendant le repas de la visite qu'il avait reçue, mais il la pria ensuite de garder la boutique pendant qu'il irait faire l'article chez un gentilhomme nouvellement arrivé et qui voulait se faire habiller. Il prit en effet son sac d'échantillons et se dirigea vers le Pont-Neuf. Le château Gaillard, situé au bord de l'eau, à l'extrémité méridionale du pont, était un petit bâtiment surmonté d'une tour ronde, qui avait servi de prison dans son temps, mais qui maintenant commençait à se ruiner et se crevasser, et n'était guère habitable que pour ceux qui n'avaient point d'autre asile. Eustache, Après avoir marché quelque temps d'un pas mal assuré parmi les pierres dont le sol était couvert, rencontra une petite porte au centre de laquelle une souris chauve était clouée. Il y frappa doucement, et le singe de Maître Gonin lui ouvrit aussitôt en levant un loquet, service auquel il était dressé comme le sont quelquefois les chats domestiques. L'escamoteur était à une table et lisait. Il se retourna gravement et fit signe au jeune homme de s'asseoir sur un escabeau. Quand celui-ci lui eut conté son aventure, il l'assura que c'était la chose du monde la moins fâcheuse, mais qu'il avait bien fait de s'adresser à lui. « C'est un charme que vous demandez, ajouta-t-il, un charme magique pour vaincre votre adversaire à coup sûr. N'est-ce pas cela qu'il vous faut ?»« Oui, da, si cela se peut. » Bien que tout le monde se mêle d'en composer, vous n'en trouverez nulle part d'aussi assuré que les miens. Encore ne sont-ils pas, comme d'aucuns, formés par art diabolique, mais ils résultent d'une science approfondie de la blanche magie et ne peuvent, en aucune façon, compromettre le salut de l'âme. « Bon, cela, dit Eustache, autrement je me garderai d'en user. Mais combien coûte votre œuvre magique? Car encore faut-il que je sache si je la pourrai payer. Songez que c'est la vie que vous achetez là. Et la gloire encore par-dessus. Ce point convenu, pensez-vous que pour ces deux choses excellentes, on puisse exiger moins que 100 écus ? Cent diables ! Pour t'emporter, grommela Eustache, dont la figure s'obscurcit, c'est plus que je possède. Et que me sera la vie sans pain et la gloire sans habit ? Encore peut-être est-ce là une fausse promesse de charlatan, dont on leurre les personnes crédules. Vous ne payerez qu'après. C'est quelque chose. Enfin, « quel gage en voulez-vous ? Votre main seulement. Eh bien donc, mais je suis un grand fat, d'écouter vos sornettes. Ne m'avez-vous pas prédit que je finirais par la hare ? Sans doute, et je demandais 10 points. Or donc, si cela est, qu'ai-je donc à redouter de ce duel ? Rien, sinon quelques estocades et staphylades, pour ouvrir à votre âme les portes plus grandes. Après cela, vous serez ramassé et hissé néanmoins à la demi-croix, haut et court. « Mort ou vif, comme l'ordonnance le porte. »« Et ainsi ?»« Votre destinée se verra accomplie. Comprenez-vous cela ?» Le drapier comprit tellement qu'il s'empressa d'offrir sa main à l'escamoteur en forme de consentement, lui demandant 10 jours pour trouver la somme, à quoi l'autre s'accorda après avoir noté sur le mur le jour fixe de l'échéance. Ensuite, il prit le livre du grand Albert, commenté par Corneille Agrippa et l'abbé Trithème, l'ouvrit à l'article des combats singuliers, et pour assurer davantage Eustache que son opération n'aurait rien de diabolique, lui dit qu'il pourrait cependant réciter ses prières sans crainte d'y apporter aucun obstacle. Il leva alors le couvercle d'un bahut, en tira un pot de terre non vernissé, et y fit le mélange de divers ingrédients qui paraissaient lui être indiqués par son livre, en prononçant, à voix basse, une sorte d'incantation. Quand il eut fini, il prit la main droite d'Eustache, qui de l'autre faisait le signe de la croix, et l'oignit jusqu'au poignet de la miction qu'il venait de composer. Ensuite, il tira encore du bahut un flacon très vieux et très gras, et le renversant lentement, répandit quelques gouttes sur le dos de la main en prononçant des mots latins qui se rapprochaient de la formule que les prêtres emploient pour le baptême. Alors seulement Eustache ressentit dans tout le bras une sorte de commotion électrique qui l'effraya beaucoup. Sa main lui sembla comme engourdie, et cependant, chose bien étrange, elle se tordit et s'allongea plusieurs fois à faire craquer ses articulations, comme un animal qui s'éveille. Puis, il ne sentit plus rien, la circulation parut se rétablir, et Maître Gonin s'écria que tout était fini, et qu'il pouvait bien à présent défier à l'épée les plus roides plumets de la cour et de l'armée, et leur percer des boutonnières pour tous les boutons inutiles dont la mode surchargeait alors leurs vêtements.